Oui, on me dit que mes sujets sont insolents. Oui, on me dit que tous mes thèmes sont récurrents. Mais je m'en fous. Oui, jusqu'à ce que l'amour se fane. Oui, je m'en fous. Elisa, Stacy ou Florian, moi je m'en fous, j'hurlerai mon amour pour vous. Et cette chanson ne parlera pas de gruyère, chanson pour rien. Chanson qui va vous déplaire. Mais je m'en fous. Vous êtes mes anges, mes douces reines. Oui, je m'en fous. Emily, Melissa ou Jen. Moi, je m'en fous. J'hurlerai mon amour pour vous. Ma batterie de téléphone portable est faible. Célibataire, je lave mes pieds, parfois ça pue. Mais je m'en fous. Perrine n'est même plus là pour moi. Oui, je m'en fous. Oui, je ne peux m'en prendre qu'à moi. Mais je m'en fous. Vous êtes un peu là pour moi. Oui, je m'en fous. Elise, Tiffany, Sarah. Moi je m'en fous. J'hurlerai mon amour pour vous. Oui je m'en fous, Sarah. J'hurlerai mon amour pour toi.